et m'importe le monde avec toi. Les yeux, les mains heureux, ça en fait du temps, je t'aime. Aujourd'hui te dire, on s'aime. Que m'importe le monde avec toi. Les yeux, les mains heureux, comme deux amants en se promenant, parlant et rêvant, des cœurs qui battent, des yeux qui parlent, des corps qui chantent l'amour. Des cœurs qui battent, des yeux qui parlent, des corps qui chantent l'amour. Ça fait du temps, je t'aime. Aujourd'hui te dire, on s'aime. Que m'importe le monde avec toi. Les yeux, les mains heureux, ça en fait du temps, je t'aime. Aujourd'hui te dire, on s'aime. Que m'importe le monde